Bienvenue chez nous pour un nouvel épisode du podcast des Nous. À propos du festival Fantasia 2024 et quelques autres trucs. Comme vous le remarquez sans doute, cet épisode a été enregistré à l'audio et non aux vidéos. C'est tout simplement parce que c'est plus simple ainsi et ça me permet de sortir l'épisode à temps. Ha! Ha! Ha! Ha! Ha! Donc, aujourd'hui, nous allons parler du Festival Fantasia 2024 et quelques autres trucs. Avant de parler du film que j'ai vu cette année à Fantasia, je vais parler de celui que je n'ai pas vu l'an dernier. Quand nous avons regardé l'horaire, un film nous avait semblé intéressant, mais quand j'ai voulu acheter des billets, il n'en restait plus, je m'y suis pris trop tard. Mais au final, ce fut une bonne chose, le film que nous avons vu était très amusant. Je ne crois pas que nous aurions apprécié autant l'expérience, et puis finalement, la star du film ne s'est pas présentée à cause de la grève des acteurs. Pas que j'ai quoi que ce soit contre cette grève. Quand on va à Fantasia, c'est dans l'intention de faire des expériences, de voir des trucs complètement fous, de nouvelles choses. Le film dont je vais parler est un peu fou, mais pas au même niveau que la folie que nous avons vue l'an dernier. Je vais donc maintenant brièvement parler de Sympathy for the Devil, réalisé par Yuval Adler, sur un scénario de Luc Paradise, un film où un type se fait enlever dans le stationnement d'un hôpital alors qu'il allait rejoindre sa femme en train d'accoucher. Et il est menacé au fusil par un mec étrange qui veut aller quelque part et discuter avec lui en chemin. Le kidnappeur est nul autre que Nicolas Cage. On a une discussion et l'ambiance est un peu surréaliste avec ce genre de trailer psychologique en quelque sorte, de genre road movie, plus ou moins. L'ambiance est prenante. Il ne se passe pas tant de choses, mais ce qui se passe est fort en émotion. Cage n'est pas dans ce film dans son rôle le plus fou, ce n'est pas Mandy, on est loin de Vampire Kiss, mais c'est assez fou néanmoins. L'autre acteur avec qui il joue le jeu, Joel Kinnaman, est aussi excellent. C'est un très bon divertissement. Pour ceux qui se souviennent de mon système de notes, qui est sur 5, je donne un 5 à un chef-d'œuvre, un 4 à une œuvre qui se démarque particulièrement, un 3 à un divertissement honnête, un 2 à une œuvre moyenne, un 1 à une œuvre mauvaise et un 0 à une nullité absolue, telle que Joe Biden qui a décidé de déclarer forfait à la prochaine élection. Donc, la prochaine élection américaine. Donc, je donne à Sympathy for the Devil une note de 3 sur 5. C'est divertissant. J'ai aussi tenté de voir un autre film présenté l'an dernier à Fantasia, We Are the Zombies, mais n'ai pas pu à cause d'un changement d'horaire au cinéma Quartier Latin, mais nous avons tout de même vu un autre film et plus tard nous sommes vengés en regardant un autre film de zombies via streaming. Avant de passer à Fantasia, je vais donc très brièvement parler des deux films. Fly Me to the Moon, Fly Me to the Moon, haha, est un film réalisé par Greg Berlanti sur un scénario de Rose Gilroy d'après une histoire de Bill Kirsten et Kenan Flynn où Scarlett Johansson se fait engager littéralement pour vendre la Lune, ou plus précisément, pour vendre le programme spatial de la NASA qui essaie d'atteindre la Lune. Si ce film est le loin de nous montrer des faits cachés et intéressants de la NASA, comme Hidden Figure, je doute que cette histoire soit basée sur des faits réels, et si jamais elle l'était, je doute qu'il y en aurait la moindre preuve. Et si ce film est loin de nous présenter des images spectaculaires de la course spatiale, comme The Right Stuff, un film visuellement spectaculaire mais qui sent la publicité à plein nez, ou bien si on est loin, pourquoi pas, d'un chef-d'œuvre sur la conquête spatiale dans un univers parallèle comme Royal Space Force, Onemis no Tsubasa, Les ailes d'Onemis, Wings of Onemis, on a tout de même un divertissement fort sympathique avec quelques moments de rire plutôt réussis, une intrigue prévisible mais qui se laisse suivre et une intrigue sentimentale qui fait le minimum pour que ça passe plus ou moins. Je ne connais pas Channing Tatum, mais il me fait penser un peu à David Hasselhoff avec les cheveux plus courts et un comportement plus stoïque, mais il est correct dans le rôle. Bien que son rôle soit très petit, Woody Harrelson est parfait en agent de gouvernement, menaçant par moments, amusant d'autres, en tout cas assez énigmatique. Et bien évidemment, Scarlett Johansson porte le film sur ses bras très correctement. C'est un bon divertissement auquel je donnerais une note de 3 sur 5. Maggie est un film de zombies réalisé par Henry Hobson d'après un scénario de John Scott III, mettant en vedette Arnold Schwarzenegger. Comme beaucoup de films du genre, il ne donne pas l'impression d'une production à gros budget dont la majorité a dû passer dans l'acteur, ce qui ne signifie pas que le film soit mauvais. Ce n'est pas un film d'action et même pas vraiment un film d'horreur, quoique tout de même un peu, c'est plus un drame. Arnold incarne un père dont la fille interprétée par Abigail Breslin a été mordue et il reste avec elle jusqu'à la fin, ainsi que pendant un bon moment, la belle-mère de celle-ci, interprétée par Joely Richardson. L'émotion est palpable, les acteurs font un très bon travail, les effets sont néanmoins aussi réussis et on réussit très bien à créer l'univers, le cadre social. C'est très réussi, mais cela n'en fait pas le meilleur film de zombies de l'univers, même si l'aspect spécifique traité dans l'histoire de ce film est très différent, et pas vraiment mal, du même aspect dans une partie du légendaire Dawn of the Dead de George A. Romero. C'est un divertissement honnête auquel je donnerais un 3 sur 5. Ce qui, évidemment, m'amène finalement à ce que j'ai vu, ce que nous avons vu à Fantasia, Self Driver, réalisé par Michael Pierrot, film qui a été présenté à Fantasia en présence du réalisateur, scénariste, producteur Michael Pierrot et du producteur Carl Paputz, ainsi que l'interprète Chadwick Nathaniel. C'est un film qui met en vedette Christian Aldo, Nathaniel Chadwick, Kat Flipoy, Welshner Lauren et Reese Presley, avec la réalisation, scénario, production de Michael Pierrot, mais il a aussi fait la direction de la photographie et le montage. Et bon, évidemment, il y a eu Kirk Puppets. Mais ce film n'a pas été présenté seul. Il a été précédé par un court-métrage appelé For Rent, réalisé par Michelle Kay. Le film a été présenté en présence de la réalisatrice Michelle Kay et de la productrice Krishna Kolanupaka. Donc, comme mentionné, c'est la réalisatrice, c'est Michelle Kay, la productrice, il y a Krishna Kolanupaka, mais il y a aussi Reet Mazumdar Roberts. Le scénario est de Jonathan Davis et Andrew Love. Et comme interprète, il y a Virginia Cohen et Andrew McGilvray. C'est une histoire horrifique où une petite famille emménage dans un appartement qui n'était pas trop cher. Le film est présenté du point de vue de la mère. Au début, j'aimais bien, l'ambiance est bien travaillée, ça semble plutôt psychologique, mais avant la fin, ça tombe bien sûr vraiment dans l'horreur de manière assez brusque, avec très peu de retenue de manière plutôt ridicule, ce qui vient pas mal gâcher l'atmosphère. C'est donc assez moyen, un court-métrage auquel je donnerais une note de 2 sur 5. Heureusement, le film que nous sommes venus voir est bien meilleur. Revenons donc à Self Driver. quelqu'un qui fait le taxi avec une application a de la misère à arriver financièrement et en a un peu marre de la clientèle pas toujours très sympathique. Quand un type lui parle d'une autre application qui paie mieux, il ne réfléchit pas trop longtemps. Mais avec cette application, il y a des règles à respecter. Il faut suivre à la lettre les consignes de l'application, faire la course au complet sans abandonner et ne pas parler au client. Ce qui, bien sûr, n'augure rien de bon, surtout dans un film qui est plutôt de type thriller. Le concept est très intéressant. Il y a aussi un propos pertinent à notre époque, peut-être un peu trop souligné par moments, surtout par l'un des clients dans une scène du film, réplique qui n'était peut-être pas nécessaire. Pour le peu qu'a coûté ce film, on a étonnamment une ambiance solide, une photographie très réussie, un style bien posé, une musique qui marche très bien, une excellente brochette de personnages campés par des acteurs qui les interprètent très bien. Il est simplement dommage que le scénario évolue au final si peu, que cela n'aboutit pas tant, que cela n'aille pas plus loin. Il y a un effet de « tout ça pour ça ». Bref, c'est un peu frustrant, surtout que certains éléments du film, notamment la résolution, pourrait faire un peu décrocher un peu le spectateur, bien que ce ne soit pas trop mon cas. Bref, le film est un bon divertissement, mais pas vraiment plus. Je lui donnerais donc une note de 3 sur 5. L'ami avec lequel je suis allé voir ce film semble avoir aimé pas mal autant que moi le film, auquel il a attribué une note de 6 sur 10, ce qui est moins que la note de 7 sur 10 qu'il avait donné à notre repas chez Omnivore juste avant. Dommage que nous ne savions pas à ce moment-là que nous aurions pu avoir 15% de rabais avec preuve de notre... avec preuve que nous allions en Fantasia, chose que nous avons vue afficher dans les publicités avant la projection du film et non au restaurant en question. Moi et lui avons d'ailleurs tous les deux trouvé que cela était beaucoup moins bon qu'un autre film que nous avions précédemment vu lors d'un autre festival Fantasia, film vraiment excellent, qui n'est hélas toujours pas sorti en DVD ou Blu-ray hors du Japon, donc avec des sous-titres dans une langue que je pourrais comprendre, soit l'excellent film Louder, Can't Hear What You're Singing, Whip, de Satoshi Miki. Après recherche sur Internet, il y aurait aussi une édition taïwanaise, mais elle n'inclut que l'audio japonaise et des sous-titres taïwanais. Ils n'y ont donc pas que l'édition japonaise, mais je ne comprends pas plus le taïwanais. Pour en revenir à Self Driver, le film était présenté après la projection du film, une courte Q&A avec les personnes qui étaient présentes, ce qui était fort sympathique. Il y a eu quelques questions intéressantes. Et donc, voilà. C'était une expérience tout de même fort sympathique. Au revoir et à bientôt.